Chapitre 10e. Madame Pouillot ou Madame Marc ? Martin Huma alluma une nouvelle cigarette et se mit à se promener dans la pièce où nous nous trouvions. C'était mon cabinet de travail, chez moi, rue Lepic, à quelques pas de sa propre demeure. « Mon cher ami, me dit-il au bout d'un moment, il vous manque un meuble ici. Quel meuble ? M'écriai-je. Celui que vous voudrez. Comment, celui que je voudrais ? Oui, cela m'est égal. « N'importe quel meuble. Mais ce meuble-là vous manque. » Je le regardais avec étonnement. « Je ne comprends pas, mon cher, m'écriai-je. Je veux dire que vous avez besoin d'acheter un meuble. Je renonce à comprendre. » Martin Huma, alors, s'approcha de moi, me mit la main sur l'épaule et me dit « Mon cher, c'est cependant bien simple. Il y a un marchand de meubles, rue de Provence, M. Pouillot, qui peut vous fournir ce qui vous manque. Mais il ne me manque rien. Il manque toujours un meuble chez un garçon qui a envie d'en acheter un. Or, vous avez envie d'acheter un fauteuil, parce qu'il est nécessaire que vous alliez en acheter un. Pour vous, alors ? Enfin, mon cher, vous comprenez. Pour moi, en effet. Je comprends. Vous voulez que j'aille voir ce qui se passe chez Madame Pouillot ? Martin Huma se tut un moment et il ajouta. Et je voudrais bien savoir si Madame Pouillot, marchande de meubles rue de Provence, n'a pas des affinités extrêmes avec cette excellente rentière Madame Marc, qui joue les salamandres en passant à travers le feu, du côté de la porte Maillot. « Très bien, lui dis-je, cela m'amusera. J'ai vu chez vous, Madame Marc, lorsqu'elle est venue vous conter son malheur, la perte de son diamant rose. J'espère la reconnaître dans son personnage véritable, à moins que, en marchande de meubles, elle ne soit encore déguisée et que nous soyons loin de sa véritable personnalité. Cependant, je ferai de mon mieux. » Le lendemain, vers 5 heures, je passais, comme par hasard, devant la boutique de Madame Pouillot. Je remarquai dans la vitrine un fauteuil en simili Louis XV. Je l'examinai un instant de la rue, ayant l'air de l'étudier en amateur. Madame Pouillot, qui se tenait assise dans un grand fauteuil anglais en cuir très profond, lisant un journal, regarda par-dessus ses lunettes quel était l'amateur arrêté devant sa vitrine. Puis elle déposa le journal sur une table, à côté d'elle, enleva ses lunettes, se leva, et vint avec quelques cartes de sa maison à la main m'offrir ses services. Sans être aussi observateur que Martin Huma, je pus, à la simplicité du geste, au naturel du mouvement et à l'intonation réelle, me rendre compte que Madame Pouillot me prenait pour un vrai client, sans autre caractère que tous les clients susceptibles d'acheter quelque chose chez elle et qu'elle n'avait pas reconnu en moi l'ami de Martin Huma. J'entrai donc dans la boutique et tout en examinant le fauteuil que Madame Pouillot avait enlevé de la vitrine pour le mettre dans le magasin et me le faire admirer plus commodément, j'étudiai aussi la marchande non sans un certain émoi, et je demeurai fort perplexe. Évidemment, cette voix rappelait celle de Madame Marc. Évidemment, cette allure était celle de Madame Marc. Et cependant, en conscience, je ne pouvais dire que c'était Madame Marc. Ce pouvait certes être elle absolument, et ce pouvait aussi ne pas être elle. Je fis donc l'acquisition de ce meuble et priai la marchande de me le faire envoyer chez moi dans la matinée du lendemain. Je fis part à Martin Huma de ses observations. J'émis mes doutes au sujet de Madame Pouillot. Je lui racontai enfin ce qui s'était passé entre nous. Martin Huma m'écoutait, se grattant le menton d'un geste qui lui était familier, plissant les sourcils tout en gardant le silence. Au bout d'un moment, quand j'eus fini de parler, il me dit « Dans ce cas, où Madame Pouillot joue admirablement son rôle et vraiment n'est pour rien dans la seconde aventure de la bergère à ressort, ou bien il y a une autre Madame Pouillot qui est notre Madame Marc. » Il cessa de parler, puis après avoir réfléchi un assez long moment, il me demanda « Quand doit-on vous apporter le fauteuil ?»« Demain, dans la matinée. » « C'est bien, je verrai celui qui va apporter le meuble. » « Vous viendrez ici ?»« Non. Il ne faut pas que celui qui apportera le meuble chez vous, et qui sans doute doit faire partie, à un degré quelconque, de la bande organisée, me trouve ainsi dans votre intimité. Mais je m'arrangerai pour voir si ce tapissier n'est pas, à d'autres moments, un parfait cordon bleu. » Le lendemain soir, Martin Huma me rencontra, comme par le plus grand des hasards, au moment où j'allais entrer dans un café des boulevards. « Mon cher, me dit le détective, quand le garçon nous eut servi. « Mon cher Courville, êtes-vous content du fauteuil qu'on vous a apporté chez vous ce matin ? J'en serai content si j'ai pu vous rendre service. » Martin Huma me répondit « Ces gaillards sont très habiles. Ils n'emploient que des gens sur qui aucun soupçon ne peut tomber. Ils ne sont pas tombés dans le piège que nous leur tendions. Non. Ils ont, non sans raison, jugé que ce qu'ils pourraient surprendre au cours de cette visite chez Courville ne valait pas le risque d'être reconnu par Martin Huma. Alors ils ont fait porter le fameux fauteuil par un ouvrier, un très brave homme, qui certes n'est pour rien dans cette affaire. Les individus de cet acabit ont l'habitude prudente d'employer des gens qui ignorent absolument tout de leurs secrets, qui sont en dehors de leurs opérations louches. Ces gens, véritables ouvriers dans la partie où on les emploie, sont le plus souvent, comme c'est le cas chez vous, envoyés quand il est nécessaire de ne pas se laisser deviner. Ils forment le rideau derrière lequel les autres s'abritent pour perpétrer leur mauvais coup. C'est très adroit. De cette façon, je n'ai rien pu apprendre. Je n'ai pas pu voir si cet homme, tapissier ici, était ailleurs cordon bleu de rentière. » Martin Huma, sans manifester autrement de contrariété, ajouta « Mais nos gaillards ne perdons rien pour attendre. Ils n'ont pas envoyé qui nous voulions voir. Et nous ne savons si Madame Pouillot est ou n'est pas Madame Marc. Bon, c'est très bien. Cela m'amusera beaucoup de percer ce mystère. »